chercher. Ressens la positive black, fin des 4 boulettes. Faux prophète, intoxique, odeur de la mort noire. Ravagé, broyez ton corps pour que s'en suive une mort noire. Froide, direct et subite en plein cœur. Ne joue pas avec le croque-mitaine à la roulette africaine. Car quand les deux pas, les dégâts accompagnent du croc-crac. Éclate ton crâne, projectile dans ta face. Ding, ding, ding. Rebondis. Crac le diable, qui zigzag de droite à gauche. Bouge, je fais mouche. Le larron dans mon poste, il n'a pas de famille. Et j'ai une grande bouche, il ne voit que lui. Il est seul, il traîne dans tous les possibles. Médisant, il ment, créant jalousie. Une intelligence maligne, il est un fil dans une aiguille. Gaspille, oui, me renseigne le real. Dans le tas de mon poste, je parle peut-être sur ma tombe. À toi de me montrer si tu es avec moi. Ne sous-estime jamais la méchanceté de tes amis ou ennemis. Car le larron s'empare du corps de tous mes amis. Faut que je les prévienne, faut que tu sais. Je crois que c'est. Pas les Zion, Dja Dja Almighty n'est pas une balle. Oh mon gang, où est mon gang? Un larron s'est introduit dans mon gang. Oh mon gang, où est mon gang? Un larron s'est introduit dans mon gang. À droite, Doc TM, si je suis avec toi, montre-le moi du doigt. Quand il parle, on a l'impression qu'il crache, on le mène à 23. Il est une famille, non? Où se cache-t-il? Qui est-il? Tintalintin, checky checky check. DJ Maître Scratch, plus vite pas baisse scratch. Le fast match, les deux necks se fâchent. Le boss il déracaille. Lève ta main si t'es avec le ménage à trois. Au premier coup de cil, boum, clac. Mets ton AK crash et arrache par tous les moyens nécessaires. Installe un état de barre rafale qui déstabilise le mal. Dès qu'il file, kill, maintenant j'ai le style. Avec une trajectoire sans fin qui ne s'arrête point tant qu'elles n'auront jamais touché leur proie. Un choix difficile, crois-moi. Le zigzag de droite à gauche, que la mort le fauche. Un choix difficile, pour lui c'est un jeu. Le baron trahit en se faisant passer pour mon ami Jagged, mes yeux. Il change d'aspect. Parfois il ressemble à un blanc, ça a le goût du nègre. Ça ressemble à un nègre, mais ce n'est pas du nègre. Yes, il espionne et s'infiltre dans la peau de ses esclaves. Il vise du mensonge et de la trahison, le diable se glisse. Smith et tease leur femme dans la garette, la robier et la fornication. Le voile et les fellations de pétales explose le fion. Et c'est encore sans vie que le diable manipule comme un pion. En état de briété, tu n'arrives même pas à compter jusqu'à 3. Tu changes d'aspect, te transformes en aspect. Tu couches de droite à gauche pour mieux niquer. Et dès que le croque-mitaine apparaît, tu te mets à paniquer. Ils étaient tous. Maintenant, on sait qui vous êtes. Blum. Dernière sommation s'exprime en des clics. Approche ta tête, nos respects. Tu appuies sur la gâchette. On glisse sur le respect. Bang bang. So, strictly reality and culture. Double négatif, paré pour la carrière. Oh mon gang, où